19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Les 364 pages et les remerciements aux membres du jury. La gratitude envers les proches qui l'ont soutenu moralement pendant ces 5 années. 5 années qui l'ont vu séjourner dans les universités de Brown, dans l'état de Rhode Island, Columbia à New York, Stanford en Californie. Figurent aussi les 196 notes de bas de page, annexes et bibliographies, tables et figures, sans oublier les conclusions et perspectives. Tout cela dans un seul but, c'est d'ailleurs écrit sur la couverture, obtenir le grade de docteur de l'université de Paris 1, Panthéon Sorbonne. Mais pour autant, tout n'était pas fini. L'intronisation nécessite ses rites de passage, actes solennels, où l'impétrant subit ségrégation avant l'intégration, enfin son adoubement au sein du cercle des docteurs en archéologie, Béline Pasquini, docteur Pasquini, bonsoir. Bonsoir. Une fois n'est pas coutume, le titre de votre thèse est assez simple. Mesurer le développement économique en Gaule du 1er siècle avant notre ère au 7e siècle de notre ère. Analyse méthodologique et épistémologique. Nous allons bien sûr y revenir parallèlement. Vous vous penchez aussi sur un tout autre sujet, l'éthique en archéologie, sujet important qui affecte de très nombreux champs. Mais venons-en au principal. Comment s'est déroulée cette soutenance ? Eh bien, très bien, je les attendais couvertes de mon armure, sur mon cheval, la lance en avant. Donc je pense que m'être bien défendu, je pense que le jury a apprécié la thèse. On accorde les félicitations, je crois qu'on n'accorde plus à l'unanimité, mais j'imagine que vous avez eu le maximum. Alors oui, à la fin, le jury dit souvent, alors les félicitations ne sont plus attribuées, mais si elles avaient existé, on vous les aurait données. On ne sait jamais trop du coup si c'est sincère ou pas, j'espère que ça l'était. Et ça n'engage pas trop. Et vous étiez en virtuel ou en présentiel ? J'ai eu la chance de soutenir en présentiel. Deux membres du jury, un qui était anglais et l'autre qui était néerlandais, étaient à distance sur Zoom. Mais j'ai eu la majorité de mon jury en présentiel. Et c'était bien parce qu'au bout de 5 ans de travail, la soutenance sur Zoom, c'est un petit peu décevant quand même. J'étais contente de pouvoir le faire en vrai. Béline Pasquini, approcher le développement économique sur 8 siècles, voilà somme toute un sujet peu classique, puisqu'il porte sur plusieurs périodes. Oui, alors c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Au début de ma thèse, on a souvent insisté pour que je raccourcisse le temps d'études. Enfin, ça semblait énorme à mon directeur de thèse. Et en fait, je pense que le développement étant un processus dynamique, si on veut voir ces variations dans le temps, c'est essentiel de voir ça sur le temps long. Et j'ai vraiment tenu à avoir cette période de 800 ans. Et je pense que c'est ce qui rend la thèse intéressante, en fait. C'est 8 thèses en une, mais en 5 ans, par contre. Oui, 5 ans, qui est une moyenne assez honorable en fait en sciences humaines. 5 ans, c'est considéré comme 4 ou 5 ans pour faire votre thèse, c'est considéré comme une bonne moyenne. Après voilà, moi j'ai eu la chance d'être financée, tout le monde n'est pas financé, donc il y a des gens qui sont pas financés vont la faire en parfois 7 ans. Et puis il y a des gens incroyables qui arrivent à faire leur thèse. Alors 3 ans, honnêtement, en sciences humaines autour de moi j'ai jamais vu, mais 4 ans, j'ai des collègues qui ont réussi à faire. Cet exploit-là. En tout cas, ce que vous étudiez, c'est un problème. L'évolution des conditions de vie des hommes entre la fin de l'âge du fer et le Moyen-Âge. Oui, c'est exactement ça. L'idée, c'est de voir l'évolution donc des conditions de vie. Alors, d'une part, au travers de la croissance économique et d'autre part, du bien-être des populations. D'où le concept de développement, en fait, qui est au cœur de ma thèse. Pour essayer de voir à quel moment les gens vivaient le mieux. Alors, c'est surtout... j'apporte pas de réponse forcément nette, évidemment, sans doute, à cette question très vaste et qui est débattue depuis des siècles maintenant. Mais l'idée, c'est d'avoir d'essayer, en tout cas, d'apporter une échelle d'analyse, une fenêtre d'analyse un peu différente en utilisant ce concept de développement. Une vision un peu différente de cette période, une manière de les aborder différemment. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de partir justement d'un problème. En général, on couvre une période et non pas un problème. Et on trouve des problèmes dans cette période. Là, vous partez sur un problème. Oui, alors c'est intéressant parce que mon sujet de départ ne s'appelait pas du tout « Mesurer le développement économique en Gaule ». Ça s'appelait « Flux commerciaux et corridors de développement entre la vallée du Rhône et la mer du Nord, de la Tène finale au Haut Moyen-Âge ». Et un en vrai fait, titre de thèse. Un vrai titre de thèse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que dans le titre de cette thèse, il y avait une association systématique entre le commerce, la mesure du commerce, et la mesure du développement économique. Et je me suis dit, mais en fait, ça me pose problème. Quelle est cette relation de sous-à-effet sous-entendue comme ça, sans analyse, dans ce titre? Enfin, on a l'impression qu'on répond à la question avant de l'avoir posée. Et en fait, je me suis intéressée à ce concept de développement. Je me suis dit, bon, OK, on me demande de mesurer le développement à travers le commerce, mais qu'est-ce que c'est que le développement? Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un gros problème parce que beaucoup de gens utilisaient le terme de développement sans vraiment savoir ce que c'est. En plus, en le présentant comme un terme, alors il y a tout un débat, donc on ne va pas s'étendre là-dessus aujourd'hui, mais sur l'utilisation du concept de romanisation, comme Rome conquérant des territoires barbares et apportant la civilisation, qui a été remise en question à partir des années 1970, où on disait, mais faut arrêter d'utiliser le terme de romanisation. On a l'impression que les Romains, c'est merveilleux, ils ont apporté que des bonnes choses, c'est complètement biaisé comme perspective. Et en fait, certaines personnes disaient, utilisons le terme de développement, il est plus neutre. Mais en fait, quand vous allez regarder vraiment l'histoire du concept de développement économique, vous vous rendez compte que, il est pas neutre du tout. De toute façon, un concept neutre, je suis pas sûre que ça existe en sciences humaines. Donc, c'est un concept, alors, qui apparaît vraiment développement probablement économique à la fin du 19e siècle. Et puis, vraiment, à partir des années 50, avec les grands programmes de développement de l'ONU, etc. On s'accordera le mot romanisation. En revanche, on exclura toute romanité, qui est un mot qui apparaît très fortement depuis quelques années en France et qui est vraiment un mot, on va le dire, fasciste, mussolinien. Fustel de Coulanges l'a écrit en 1875. Sous la domination romaine, par la paix et la sécurité établies, les Gaulois connurent la richesse et le luxe. L'idée est toujours plébiscitée par la communauté scientifique, des archéologues ou des historiens? Alors, c'est une idée qui a été longuement plébiscitée. Fustel l'a défendue, évidemment, au XIXe siècle, mais elle est plus ancienne que Fustel. Le grand chantre de cette idée, celui qui a vraiment marqué l'historiographie, c'est Edward Gibbon, qui est un historien britannique de la fin du XVIIIe siècle, qui disait que la période de l'humanité où les gens ont vécu le mieux, c'était le deuxième siècle après Jésus-Christ. Et en fait, à partir des années 1970, comme je le disais, il y a eu une remise en question de cette perspective sur les Romains, notamment avec les travaux de Peter Brown sur l'Antiquité tardive. Et il y a eu une sorte de nouvelle orthodoxie qui s'est installée en recherche, qui visait à revaloriser des périodes qui étaient autrefois considérées comme des périodes, pour le dire clairement, de décadence, des périodes sombres. Ce qu'on appelle le premier Moyen-Âge ou le haut Moyen-Âge. Et puis la transition entre l'Antiquité et ce Moyen-Âge, donc l'Antiquité tardive, qui étaient des périodes qui étaient pas vraiment étudiées avant pour elles-mêmes, mais qui étaient étudiées comme des sortes d'antiquités en moins bien. Enfin, on commençait à creuser vers les âges sombres. Qui étaient peut-être étudiées par les historiens, en tout cas, qui étaient très peu étudiées donc par les archéologues. L'archéologie médiévale, c'est la dernière archéologie qui nous arrive. Elle a tout juste 20-30 ans, elle est plutôt 30 ans que 20 d'ailleurs. Oui, elle est très récente. Oui, oui. Et les problématiques donc sont très nouvelles. Oui, tout à fait. Le Haut Moyen-Âge a été complètement redécouvert à partir des années 90. C'est l'essor de l'archéologie préventive, c'est-à-dire cette archéologie qui intervient avant qu'on procède à la construction d'un bâtiment ou d'une autoroute par exemple. Et on s'est rendu compte, en fait, on trouvait pas ces sites avant parce que ces gens-là ne construisaient pas majoritairement en pierre, mais en bois. Et en fait, les sites n'étaient pas retrouvés. On retrouvait beaucoup de sites romains parce qu'ils étaient faciles à détecter. On les détruisait aussi parce qu'on voulait trouver du romain. Oui, aussi, c'est vrai. On passait sur les couches rapidement. Et en fait, on s'est rendu compte que non, la Gaule n'était pas complètement désertée au 5e, 6e, 7e siècle. Il y avait bien des gens. Donc, c'était une révolution assez incroyable apportée par l'archéologie. Votre travail tente-t-il de trancher cette dispute, ces deux visions de notre histoire? Alors, non, pas du tout. Évidemment, j'aurais pas cette prétention. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'apporter un cadre d'analyse différent, de dire, vous voulez parler de développement économique? Ok, allons-y, parlons de développement économique. Alors, définissons-le et essayons vraiment de le mesurer. C'est ça l'idée. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Est-ce qu'on a les moyens de le faire? C'est surtout ça. J'analyse, en fait, différents marqueurs qui vont nous permettre mesurer qui la croissance économique, qui le bien-être, ou pas d'ailleurs. Justement, donc vous tentez d'aborder le développement économique. Quelle pourrait être la bonne définition? Alors, il n'y a pas de bonne définition du développement économique. Il y a depuis plus de 50 ans, des spécialistes s'écharpent sur cette question. Comment on peut définir le développement? Il y a plusieurs définitions qui sont acceptées aujourd'hui dans les grandes institutions internationales qui s'occupent des questions de développement. La plus courante quand même et la plus admise, celle qui revient beaucoup, c'est quand même cette combinaison de la croissance économique et du bien-être. Pourquoi le bien-être? C'est parce que dans les années 70-80, on s'est rendu compte que certains pays connaissaient une croissance économique, mais qualité de vie de leur population ne s'améliorera pas pour autant. La majorité de leur population continue à vivre dans des conditions difficiles. C'était probablement à cause des inégalités et des élites. Tout à fait. D'où l'introduction de ce facteur de cette question de bien-être avec la création de l'indice de développement humain, etc. Donc l'IDH, du PNUD, etc. Donc vous cherchez en fait des sortes d'indicateurs, vous écrivez même proxy, qui est un mot à la mode. On n'a pas assez de sources textuelles pour pouvoir mesurer par exemple le PIB. Il y a des gens très doués qui s'y sont essayés. Ils ont proposé des chiffres qui sont intéressants, mais qui ne permettent pas vraiment d'avoir une approche de l'évolution de la croissance économique. Et du coup, l'idée, c'était de dire, est-ce qu'on pourrait passer par des proxys, c'est-à-dire des mesures indirectes de ces phénomènes, au lieu de passer directement par les chiffres des salaires ou de la démographie dont on ne dispose pas. Des données proxy, par exemple, les améliorations techniques potentielles, la monétarisation, qui est quelque chose qui favorise beaucoup l'économie, mesure également la production agricole via les données archéologiques ou encore la production artisanale, le commerce, etc. Alors justement, comment faites-vous à partir du matériel archéologique pour quantifier la variation de cette croissance ? Vous n'allez pas compter tous les tessons de céramique découverts en Gaule romaine. Alors, tous les tessons de céramique, non, mais vous avez du matériel qui est privilégié pour ça. Par exemple, les amphores, ça fait très longtemps qu'il y a des gens qui comptent les amphores et vous avez des publications comme celle d'Élise Marlière et de Fanette Paul-Obelnheimer qui font des synthèses incroyables sur l'ensemble des amphores importés, par exemple, d'Italie à la période républicaine dans le nord de la Gaule. Qui vous montre les variations de ces importations. Donc les amphores, juste pour rappeler, c'est un contenant qui servait à transporter, donc en céramique, qui servait à transporter du vin, de l'huile ou des sauces de poisson dont les peuples de culture romaine étaient friands et qui pouvaient être transportés sur de très très longues distances. Fanette Obelnheimer, qui a donc étudié les fameuses amphores G4, les Gauloises 4, que l'on retrouve un peu partout, et que l'on retrouve même sur les côtes de l'Arabie et de l'Inde. C'est quelque chose, une diffusion tout à fait extraordinaire. Pour le bien-être, vous proposez plusieurs modèles ? Le bien-être, c'est un peu plus compliqué, parce que la croissance, on voit à peu près ce que c'est. Le bien-être, c'est quelque chose de plus ou moins subjectif. Alors, je me suis un peu penchée du coup sur la façon dont les chercheurs qui travaillaient sur le monde contemporain mesuraient le bien-être des populations. Souvent, leurs critères ne peuvent pas s'appliquer à la période que j'étudie, puisque tout simplement on n'a pas les données, ou alors ces données-là sont inadaptées. Je pense notamment à des mesures du Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD, qui par exemple vont lister comme critères est-ce que vous avez l'électricité ? Est-ce que vous avez du combustible propre ? Mais personne n'a ça, en fait, à la période que j'étudie. Donc même les gens les plus riches, vous devriez les catégoriser comme miséreux si vous utilisiez ces critères-là. Donc ça, c'est intéressant. Je me suis intéressée à ces critères-là et j'ai essayé, en fait, de construire quelque chose qui se tenait, d'essayer de... Voilà, c'était plus expérimental, cette partie sur le bien-être, mais c'était passionnant et voilà, j'ai abordé des questions comme la liberté, la santé, la longévité, la sécurité. La liberté. La liberté, c'était très compliqué, j'ai vraiment pris ce parti d'affronter chaque question, et quand ça ne fonctionnait pas, de le dire, écoutez, voilà ce qu'on peut faire, c'est pas grand-chose, peut-être qu'en fait ça, par l'archéologie, on ne peut pas le mesurer. Alors justement, Christian Goudineau, détenteur de la chaire des antiquités nationales, faisait passer à ses confrères du Collège de France de petits billets sur lesquels on pouvait lire « Qu'est-ce que Rome a bien pu apporter à la Gaule ?» La paix, l'écriture, l'ordre, la sécurité. Pour vous, quels auraient été les bienfaits ? Là, spontanément, vous voyez, sans avoir préparé la question, un des grands bienfaits de Rome, je pense, par exemple, ce sont les égouts dans les villes. Chose merveilleuse, incroyable, qui vous permet de ne pas vivre dans vos propres excréments. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui disparaît, en fait, dans l'Antiquité tardive, l'entretien des égouts dans les villes. Et on voit l'apparition, alors c'est très intéressant, ce sont des couches archéologiques qu'on appelle les terres noires, qui ont été étudiées notamment dans une thèse à Paris 1 par Quentin Borderie, qui vous montre, en fait, c'était des couches archéologiques très très sombres, dont on ne savait pas trop ce qu'elles voulaient dire pendant longtemps. Et en fait, les analyses ont montré que c'était lié à un système de gestion des déchets différent dans la ville, qui est une manière polie de dire qu'en fait, les gens vivaient un peu dans leurs déchets. Mais ce qui était intéressant aussi dans cette étude, c'était en fait, avant on pensait que les villes étaient désertées et que c'était des espaces, ces terres noires correspondaient à des espaces de jardin, des espaces. Alors que non, en fait, ce qui est intéressant, c'est les villes étaient peuplées, mais différemment. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Béline Pasquini, vous me parlez d'égout pour le génie de Rome. Rappelons que Fussel de Coulanges, encore lui, écrivait « Les Gaulois eurent assez d'intelligence pour comprendre que la civilisation valait mieux que la barbarie. Sous la direction de l'esprit romain et par l'imitation louable du mieux, ils élevèrent des temples et des écoles. » Oui, c'est une vision très 19e siècle de l'apport de Rome. Mais en plus... Oui, mais il y a l'éducation. Oui, il y a l'éducation. Alors, qui est un de vos critères d'ailleurs. Qui est un de mes critères, mais que justement, c'est un des critères qui est compliqué à aborder parce qu'en fait, savoir lire et écrire, ça dépend de la société dans laquelle vous vivez. Dans la société actuelle, si vous ne savez pas lire et écrire, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de mal à vous en sortir. Si on prend Charlemagne par exemple, il était connu que Charlemagne savait lire, mais qu'il ne savait pas écrire. Parce que, ouais, il y avait des gens dont c'était le métier et qui le faisaient pour vous. Et en fait, tout ça, c'est assez contingent. C'est assez relatif à la culture dans laquelle vous vivez. Le grand dossier de l'économie et de son développement, c'est bien entendu l'agriculture, qui, pour faire simple, est absolument la base de tout. C'est elle qui est en grande partie la richesse et qui crée la richesse. Oui, tout à fait. Les estimations les plus basses disent que 80% de la population travaillait dans le domaine agricole. Et ce sont des estimations basses, encore une fois. Donc, en fait, c'est un secteur qui était considérable. Et donc, les variations de la production agricole, c'est quelque chose d'essentiel pour essayer de mesurer un petit peu la santé de l'économie. Les variations de la productivité agricole. Voilà, essayer de voir un peu est-ce qu'il y a des établissements spécialisés, quelle est la taille des établissements agricoles, quelles sont leurs capacités de stockage. Voilà, ce genre de choses. Alors, comment voit-on l'augmentation de la production agricole? Au travers de modifications de la structure, par exemple, du travail, des innovations techniques ou encore des facteurs externes comme l'amélioration ou la péjoration du climat? Alors, on a des attestations. Ça doit être des vrais trous, par exemple, la péjoration du climat. Alors, il y a des études. On traîne des catastrophes. Alors oui, effectivement, notamment une étude récente de Christophe Petit qui montre que en fait, vous avez à la fin, au cinquième, en gros, cinquième, sixième siècle, des péjorations du climat. Alors, ça veut rien dire, hein, péjoration du climat. Ça dépend de ce que vous cultivez, en fait. Ça dépend du type d'agriculture que vous menez. Mais en fait, il montre bien que dans le bassin parisien, vu le type d'agriculture qui était pratiqué à cette période-là, il y a eu des épisodes climatiques qui étaient désastreux avec des récoltes qui ont dû être catastrophiques en fait pendant de longues années. Alors en tout cas, la période romaine voit l'essor du blé nu et en particulier du froment, mais visiblement cela change avec une sorte de ralentissement au IIe siècle. Alors c'est très variable, ces histoires de blé nu et de blé vêtu. C'est des études en cours qui sont passionnantes, mais pour l'instant ça dépend beaucoup des régions. Enfin c'est pas linéaire en fait, il n'y a pas un moment où on voit que oh là là, tout va bien partout et puis il y a une espèce de décroissance permanente. C'est pas comme ça du tout, c'est assez fluctuant, ça dépend vraiment des régions, ça dépend vraiment des moments. Il y a des moments où ça va aller un peu mieux, puis des moments où vraiment l'économie va être plombée. Mais c'est intéressant de voir à quel point c'est hétérogène en fait. Regardons l'élevage, les spécificités du bétail. Vous vous êtes par exemple penché sur la longueur osseuse des poules, et ça en dit long? Alors, c'est pas moi qui me suis pensée dessus, c'est Stéphane Lepetz et Véronique Zecmaterne qui sont archéozoologues, mais qui ont obtenu des résultats extrêmement intéressants, effectivement, sur la taille des poules. Alors, ça fait rire beaucoup de gens non-archéologues à ma soutenance, parce que j'avais un magnifique graphique qui montrait l'évolution de la taille des poules. En fait, la taille des poules baisse à partir du 4e siècle, après Jésus-Christ, et elle atteint vraiment le fond au 10e siècle, avant de remonter progressivement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme il y a peu de chances que les poules aient fait l'objet d'une sélection, au contraire, d'animaux plus conséquents comme les bœufs ou les moutons, il est probable que ce changement de taille était lié à une amélioration de leur alimentation. Or, si les poules mangent mieux, il est aussi probable que les humains mangeaient mieux, en fait. Et donc, c'est vraiment un indicateur... un indicateur très intéressant de l'état de santé. Parce qu'il y a des études sur l'état de santé des humains, mais c'est très compliqué. Sur la stature également, les évolutions de la stature, c'est très compliqué. Alors on dira que, bien sûr, la poule vient d'Asie du Sud, qu'elle arrive à peu près en Gaule autour du 9e siècle. La taille et la morphologie du bœuf aussi est intéressant. Alors oui, il y a aussi des variations du coup. En fait, il y a des variations sur tous les animaux domestiques. Les animaux domestiques suivent une courbe qui est assez similaire à celle de la poule. Mais en fait, la difficulté avec les animaux comme le bœuf ou le mouton, comme je le disais, ou le porc, c'est que on pourrait, voilà, il y a beaucoup de questionnements pour savoir s'ils auraient pas fait l'objet d'une sélection à une période où on disait qu'ils avaient été peut-être importés d'Italie, des bœufs, des moutons qui seraient notamment des bœufs qui auraient été apportés par les Romains. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas ça. Apparemment, c'est une amélioration des souches locales. Et alors, Stéphane Lepet, en l'occurrence, lui pense pour une amélioration de leur alimentation à eux aussi, plutôt que pour une sélection dont les auteurs latins en fait ne nous disent. Ils pratiquaient pas la sélection telle qu'on l'a pratiquée en Occident à partir du XVIIIe siècle, en tout cas. En tout cas, il y a des grandes variations, visiblement, du moins dans la taille au garrot. J'ai vu sur votre thèse que, par exemple, chez les Vénètes, les vaches étaient quand même très petites par rapport à celles du nord de la France. Pour les mêmes époques, c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est un monde qui est très hétérogène. Aujourd'hui, on vit dans un monde très uniformisé. Où, en fait, on se rend compte, en étudiant le passé, que c'est très récent, tout ça. La Gaule connaît, entre la période gauloise et le 7e siècle, des périodes d'intensification et de ralentissement de la production agricole. On imagine donc que rien n'est linéaire. Alors rien n'est linéaire, mais vous avez quand même des grandes tendances, puisque voilà, Gibbon n'avait peut-être pas totalement tort. À partir du 4e siècle, globalement quand même, vous avez une réduction de la taille des exploitations, vous avez la fin de la grande viticulture commerciale, puisque au 1er, 2e siècle après Jésus-Christ, vous avez le développement d'énormes villas. Alors les villas, ce sont des établissements agricoles romains qui produisent, qui ont des chais absolument gigantesques et qui produisent du vin qui est destiné à la commercialisation, qui sont spécialisés. Et en fait, ça disparaît progressivement dans l'Antiquité tardive. Alors regardons la production artisanale, la céramique, le métal. Qu'est-ce que l'on peut en dire ? Alors la céramique, il y a des choses très intéressantes, notamment je pense aux grands ateliers de la Grosfesenque dans l'Aveyron, qui se développent au 1er siècle et où on trouve des fours. Donc c'est des travaux qui ont été menés par Maurice Picon, des fournées en fait de jusqu'à 30 000 pièces d'un coup pour produire des céramiques qui étaient d'une qualité incroyable, puisque alors c'est assez technique, ça s'appelle la sigillée de type C. Ce sont des céramiques non poreuses en fait. C'est-à-dire que tous les pores de la céramique sont fermés, ça demande beaucoup beaucoup d'énergie, beaucoup de savoir-faire. C'est-à-dire que il va falloir monter à des températures très élevées. Et en fait, pour que cette production soit rentable, il faut que vous puissiez l'exporter au loin. Donc ça montre aussi que voilà, ça participe en fait d'un monde romain où les échanges, où le commerce était très très vivant et où l'économie se portait bien quand même. La céramique de la Grosfesenque que l'on a retrouvée d'ailleurs à Pompéi, c'est le premier cas donc par Joseph Deschlet. Les amphores, c'est probablement la tarte à la crème de votre sujet. Oui, c'est la tarte à la crème. Alors malheureusement, en fait, en archéologie, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend très tôt dans le cursus de l'archéologue, on a une vision très biaisée du passé. Parce qu'en fait, on a accès à seulement ce qui s'est conservé. Alors qu'en vrai, on sait que par les textes, on suspecte qu'en fait, par exemple, la production textile, c'était quelque chose de colossal. Sauf qu'on n'a quasiment aucune manière de mesurer ça. Rien n'est conservé. Les métiers à tisser sont pas conservés, les textiles. On en retrouve en fouille, notamment. Alors, au on en retrouve beaucoup, beaucoup. Mais le problème, c'est que vous pourrez pas du tout avoir une approche quantitative comme vous l'avez avec les amphores, où en fait, sur les fouilles de la période romaine, vous allez retrouver des quantités phénoménales d'amphores qui font que ça va vous permettre de créer des graphes de voilà, est-ce qu'il y a plus ou moins de commerce. Alors en plus, les amphores, on est capable de déterminer leur provenance. Les céramologues peuvent vous dire, voilà, ça c'est une Dresselin produite dans telle région italienne qui transportait probablement tel type de vin. Voilà. Mais ces amphores, elles arrivent bien avant la conquête romaine. Oui, c'est vrai. Les Gaulois étaient friands de vin romain et il y a cette anecdote qui dit qu'ils échangeaient une amphore pour un esclave et que les marchands romains se moquaient bien d'eux à ce sujet. Donc c'est vrai, oui, le commerce du vin, le commerce aussi de certaines céramiques italiennes était antérieur à la conquête. Le commerce des denrées alimentaires est toujours très vivace durant l'Antiquité tardive, même si l'essor du tonneau rend bien plus difficile de percevoir les volumes échangés. Oui, alors c'est un autre biais lié à cette histoire des amphores, parce qu'on est obsédé par les amphores en archéologie, mais c'est comme ça un petit peu une des rares choses qu'on a, on s'y accroche. Mais en fait, il y a une invention merveilleuse qui intervient peu après le le tournant de notre ère, qui est le tonneau. Et en fait, qui n'est pas inventée à ce moment-là, mais elle se diffuse vraiment à partir de ce moment-là. Et en fait, le problème des tonneaux, c'est que c'est du bois et que du coup, ça ne se conserve pas. Contrairement aux amphores. Et d'ailleurs, ça a créé un biais assez intéressant, notamment dans les... Si vous regardez la courbe des épaves antiques retrouvées en Méditerranée, vous allez vous rendre compte que à partir du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, la courbe s'infléchit. Vous trouvez moins d'épaves. Or, ça ne correspond absolument pas aux données dont on dispose par ailleurs sur la santé de l'économie à cette période-là. Et en fait, on pense que c'est lié au fait... Donc ça, c'est des travaux notamment... Alors, il n'y a pas eu que lui, mais d'Andrew Wilson, qui montre que... Les amphores permettent de conserver une épave. Votre bateau va couler, le poids des amphores va le tirer vers le fond. Ça va faire une énorme masse qui ne va pas se dégrader puisque les amphores se conservent. Et en fait, ça va permettre aux archéologues de trouver les épaves plus facilement. À partir du moment où vous avez un chargement de tonneaux, votre bateau va couler et puis vos tonneaux vont se désagréger. La coque qui est en dessous va peut-être aussi se désagréger plus facilement. Et puis cette épave, on ne va pas forcément la retrouver. Donc c'est un biais de la recherche. Ça veut pas dire c'est pas parce qu'on trouve moins d'épaves qu'il y avait moins de circulation maritime. Qu'en est-il du bien-être ? Alors le bien-être, comme je vous le disais, donc j'ai étudié plusieurs aspects du bien-être. Les plus intéressants, à mon sens, en tout cas les plus prometteurs, sans doute les questions de sécurité. Alors quand je dis sécurité, c'est aussi bien la sécurité alimentaire. Est-ce que vous allez être soumis à des famines, par exemple, ou pas ? Les épidémies également. Et puis les inégalités de richesse. Puisque y a des études qui tendent à montrer que les inégalités, c'est pas seulement quelque chose qui est censé nous révolter parce que c'est injuste et nous avons tous en nous le sentiment de l'injustice, mais aussi parce qu'en fait, une société inégalitaire fait que les gens, même si vous êtes riche au sein d'une société inégalitaire, vous risquez d'être moins heureux parce qu'en fait, il y a une pression sociale plus forte. Alors là, j'ai plus en tête les travaux contemporains, des sociologues qui ont étudié ça, mais c'est assez fascinant de voir que les inégalités, en fait, ont un impact sur tout le monde. Béline Pasquini, le temps tournant, une dernière question. Quelles ont été les périodes où le bien-être a régné, ou du moins quand on n'était pas dans la servitude ou l'esclavage ? Alors, ça, du coup, ça dépend vraiment de où vous étiez, exactement à quel moment et quel était votre statut social, effectivement. Mais moi, j'aime beaucoup, tragiquement, je vais vous dire, sans doute le 2e siècle après Jésus-Christ. J'aurais bien aimé être un homme libre du 2e siècle, vivant dans un milieu urbain avec des égouts en ville. Et en ville, ouais. Je te l'ai dit, il y avait des belles villas, il y avait des coins sympas quand même à la campagne aussi. Béline Pasquini, merci beaucoup. Donc je rappelle le titre de votre thèse, Mesurer le développement économique en Gaule du 1er siècle avant Jésus-Christ au 7e siècle après Jésus-Christ, analyse méthodologique et épistémologique. On peut imaginer bien sûr que cette thèse sera publiée. Carbone 14 a été réalisé par Vanessa Nadjar, la technique Inès De Bruyne, et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, changement de lieu, changement de période.